Gunter Zugambondo, Oyambalo Yagana Ngubu, Ngubu, Ngubu. Ah, c'est l'étoile du berger. Grand Mopao, Mopao, gabarit hors norme. Ouais. Force de frappe. Sandra Kameke. Ata Sucre Zalaka. Bembelezimo. Ambroise Mbundi, le maestro. Saboga à Pointe Noire, Talela Laurent Lorenzo, Didi Lundeyete, Brice Mpangi, Vivi Kili Bébé Mounanga, Adèle Mbouyi. Laura Yakose Kana Nonga Namo, Nanzela Mino Nayo, Nankingo Zomi, Nana Koufela Kofela, Kofela, Tete Thérèse. Chérie a tambola kaloko l'extraterrestre. Laura n'a pas quitté encore chérie. Soukalina yele kiato yama futanzoye. Sokili weye na kosenge zonga mokolo mousousou. Edi Badiata. Toza la kana yele fuska kamala mokolo. Sentiment wani koza la éternellement kole kata fête ya bonne année Laurent Lorenzo Laura tambola kalo kole extraterrestre et kachaka Lorenzo nana kitoko chéri ye ye ye sukalina ye le kieto ya mafuta nzoye fifi alonge sokili waya na kosenge zonga mokolo mosusu toza la kana yone fiska tambala mokolo na mbula sentiment wani Kita Kala kala Uta kala wo Yo dala kimi Sanda baso sobra ima sengo Me pukwa lela Komi pete na kati ya rara Mola kine Bako miota la yolo kola televizyon Bako miota la yolo kola televizyon Willy Carlos Nelka fali pupa ngaye Na bengi yona telefone Oyambi ui a Katelinga telefone, c'est vrai que linga lisusu te niki menga mama Barcelone na ngayo Kala kala, uta kala fatu ilunga yodala kibese na tanda basoso magi mwayuma Mepukwa lela kami mpese na kazi ya mamole Don Piero Bakonyo tala yolo kola televizyon Bakonyo tala yolo kola televizyon Papa Rocky yena di distomi Na bengi yona telefone Oyambi oui Yo katelinga telefone C'est vrai que l'inga l'insusite Tati chimbolo Texas et katadi Chancelier Midou bongo langa Luzumu langa pona lingyo Bongo langa bongo langa Bongo langa bongo langa Marifana lande, eh, bibi skabisa Bongolanga, bongolanga, loma lomenzo kana ingie Bongolanga, bongolanga, loma lomenzo kana ingie On doute que Michel Claude Ngoma Kosi, Pati Omombo, Papi Chomo Ekaton en agi d'orange Mais Bayoga va répondre à mon toté Pamaro, pama, tama lobi Pamaro, c'est pama, natika yote Nzambe pesa bango bozui, pesa ngai sagesse ya Salomo Na yebata, kokima souffrance ya bolingo Na poito kabwana lokola, mokriso na mopagano Dinye mpeti, bienvenue wawa Soki lopo kwe yebaka, pasi oyo lutu emonaka na tango ya bobalusi biloko mbele okelaka yata mama wazwa ide yobebisi motema na nga na oyo osali ngaye yobebisi motema ya grand mopo na oyo osali ngaye fali pumba ye anelka ye nga nalingaka yo François Babadi Ana maïtide na ana kapika Didier Nyamalembe Mami ilo dama Yves Njoli Patrick Ngoubi Dina Yowinge John Mukamba Chef Manjunda Ibostor Betimpia Andy Kisenda Jerito Folo Tayiru Diallo Papa na Mathilde Mandala la Cécile, Maman Nadjani, Mère Véro, Oya Bisso. Joël Wembo, Jike Baya, Na koma bwanje, papa yo me aposa e kitisa. papa Norto Chipika Kitenge Internet Gabin Tembo Rue de Deauville et au Kamopa au Mokondi www.com Basakana Kito Bébé Bébé Bébé Wanga Wamote Maye Amseto Asiroki Abunginzela Zoto et Silanga Inyoso Takoma Dengue Takoma Bwange Erikudia Yomaya Posa Kitisa Motema Révisé Karanga Branco, Karunko, bébé, bébé, bébé, bébé, Suzy, Nongara, ma banzoye, bébé, moi, ma sireki, na bunginze lango, zotwe silanga inyosoye, mado spaghetti, na koma dengue, na koma bwange, mon amour, yo ma aposa, lembisa motwe, ma revise karangaye, yo beti moulanga, bibish moudingaye, Marie Claire Kande, photo. Restaurant vin de palme, ma clair chambre, ma salle. wapi mado moleka. Ah, bisou na mami sa mwanza. Restaurant la case Bantou. C'est Villa Sultane. Tout au roba. Tata m'a passé à un restaurant Schengen Place. Nazala qui n'a en rater, Nabi Makingo, Nake Kotala Jumbe, Joa Razali Terre, Ndoka Kenaye, et Paya Roger Losena Kote Kimani, qui royal. Jumbe, Joa Yoba, Yali Valé. Charles Chimba, na Canada, Thierry le Populaire. Olivier Bila. Riffan Gandoa, Maman Leslie. Sans coup faire rire et je manquais mon amour de pragmatisme. Tout cela face à ton être, c'est merveilleux. Oli qui voit Sima le champion, Robert Bassène le chansard, Dorélian Fashion à Bangui. Lola Mona Digital. Sous-titrage Société Radio-Canada. Tabatambolaka elongo ngulupa Bate kamaka motu ya mokote Blaise kimpioka black muslima ako kasa Kwa senga kimfuni Baleka kizomi Weyazomi na moko akadima Utato bana bulingu Matate isalakateo Telenge bunzenga kitoko Kuna eko siko skato Naleka ngaye Condition à pesa kinga yo La pena architecte batonge la yenda koliko l'océan Poetika kakole la ka chaque jour Dike kalukemba Olingo na yue komyo kokanga Nete kakali wa eko kaka motoro Jili ilume Mosika na yona zokoko vivre te Pene na yo na koma kalu kola mwana ya zomela libele ya mamo Aye, kusipo smato Sobo minga e bako tiki se non so ya mabe Na mi demo ya valingi A promese yo pesa kinga E ti kali na minoko Ya babo mita wwe Mwona wapi mwwe ya miti mola lili dana ye Keme te kama Pepe eta bebota kama kembara Raimondo de Yalolo Ike ya soso e bota jame mwana li basa Jampi Bokona Lévis, Vango, Coco, Dilasso, Claude, Fomototo, Dirango, Inatoli, Kazadi, Guidon, Tsungu, Tambo, Monangue, Les Blaise, Vanzila. Si, Mato, Otaka, Banda, Yabiso, Balimbo, Tos, Manate. C'est pas du nettoie mosquée. Mami Pierre, Micho Kanza. Yolo Baka, Olimbo. Arlette Manda. Anna Moto, la poussa du Bene, Aéra, Bosta, la poussa. Marina Beyes. Et la Lopi Libéla. Nami, nous t'aimons encore. Soit que la délire à l'eau Madoukoula, bijou, Kambala na Londres, Apocalypse Dongo. Na pesa ki yo monte ma pe ma bando na nga mobimba. Kichu Bengo. Toyo kana kingana yo, bolingo ingelo na kwa bomange, lelo yo kena yo. Yo tiki fali, kupa na mawa. Salago kita bolingo yo, la kakinga uja kwa mwana. Amo pao mawa. Oh, oh, oh, Josika. Eme Barreto. Bolingo nukai. Yale, Stallone ya champion Yekomi oko maneti kaka Polingwa Bruno Beliko Jose Bianga Zeze Zidane Zala Kawati Kams, ya, ya. Kams, Kofanza, Kams Kofanza kia Singe zile raka Kobe bisate Avenir manga Jubi ilumbe Mama nakadija Koposa nateke Zali boli Basi loasi po jazz Modele nga yo ya libala hey. Ya mabenzambe Nga na mesane na nga boyete Benanzeza Kende sika bako ndi mayola bako saraye Nazongye pa baboti bako Lori Chantal Zero Foto Papi Kaso, Papi Tasa Trio Benmila Etienne Luanza Franco Fuala Soleil Kosi Joboke Papi Kanza Simombo Richard Kabambi Pelabi Kofo Willy Kosi Chef de guerre Japon toujours Saint-Valois d'Oste Bambona Jean Mananga Roger Bengas Datop Robingele Estem Fiende Bourgeois Kosi Kosumato Monsieur Borel Le Ramboiseau Claude Moussaï, l'homme des grands événements merveilleux, congolaise. Lopez, Sambi, Becker, Kunzi, Gino Kanto, Didier Etam, Vanessa Mpadi, JP Botumbe, Zolele, Chana Peko. Il était tout en blanc, parce que son cœur est blanc. Jean-Marie Moulato, Kid Service Express. Mamie Esther Lionjo, agence staff. Aussi, Mato. C'est pas du nettoie aussi. Fili Taizon, est-ce que ton oba qui t'a écrit et que mon te peut vendre? Hein? Oui, le monde, le grand Picasso. Dajou Ndombasi, le Golden Boy. Adichie Mongombe, Tessarossa. Bien aimé, t'as l'allé l'eau comme il l'eau coupe en main.

Aimé Simba. Aïe, moi, ne m'a pas mappé quand un petit papi lui passa. Jimmy Bamanissa. Bye. Adoché Matondo Didier Ikoko. Passe Kosé. Chamuluba, silencio de refer, remontuta. bien bien sera malonda Marcel de Porto jamais ni bien guinouye et mi jo mi nyengi on fait sa ferri chale kousa pa ki kousa wili kousa o Sakanango motote Pamba Salon Naomi ya Anik na Anvers Beti Kapanga Ika konuka luka vina mbamo tamo soki na noe kokinde Soki yosengi mapambo lanzate umeli konuka na bolilite Dans la longue, ouais. Et d'un coup, ça nous est moulin. D'un coup, me fanat. Panama. Christian Lusakueno.